son rayon de soleil dès 7h du matin. C'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Radio Arc-en-Ciel, bon dia la famille. J'espère que vous allez bien. Il est 7h du matin. J'espère que vous avez passé un bon week-end. On est ensemble jusqu'à 9h. Je suis vraiment heureux de vous retrouver après une petite semaine de vacances. Comment allez-vous? Salut José. Salut Tony. Déjà connecté, déjà au boulot. Bah ouais, il y en a qui bossent de bonne heure le matin. Hein. Courage à Sandy aussi qui est parti bosser dans un centre commercial à 7h. Là, tout de suite, elle est dans la voiture. Elle écoute Radio Arc-en-Ciel 96.2. FM, bientôt Noël, hein, vous avez peut-être préparé vos cadeaux, vous voulez en parler à l'antenne, vous m'appelez, tiens, donnez-moi des idées de cadeaux pour Noël. 02 38 43 48 00, le meilleur de la musique pour bien démarrer cette journée, avec du son Caliente, un petit clin d'œil à Jacob Desvarieux et Cassav, Zoukla, c'est le médicament donné. Sous-classe, c'est ça le médicament, on y. Sous-classe, c'est ça le médicament, on y. c'est Francky dans la radio avec le son Zouk pour bien vous réveiller, Kassav. Un petit clin d'œil au Jacob Desvailleux qui nous a quittés il y a bientôt un an avec Zouklin, c'est le médicament donné. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Réveil matin sous la pluie, ce matin malheureusement, la pluie est bien là avec des nuages, pas de soleil malheureusement, et ça va durer toute la semaine, hein, les températures aujourd'hui, 2 degrés, on dépassera pas les 7 degrés. Et aujourd'hui aussi, Castex va parler ce lundi, justement pour voir l'évolution de l'épidémie, la cinquième vague comme on l'appelle, le variant Omicron sera sur table, la contamination quotidienne, le taux d'incidence, la situation à l'hôpital, les doses de rappel, voici les principaux indicateurs du Covid en France. Donc tout à l'heure dans la soirée, Jean Castex prendra la parole pour donner peut-être des nouvelles mesures complémentaires pour lutter face à ce Covid qui nous envahit, c'est vrai. En tout cas, nous on est là pour vous réveiller, vous donner le smile le matin. 7h-9h, c'est Francky dans la radio, on est en direct, ça me fait vraiment plaisir. Coucou à Edouard qui est connecté ce matin du côté d'Orléans. Salut Edouard, bonne journée à toi mon ami Francky, merci d'être là ce matin et de donner le smile et la bonne humeur avec Céline Dion qui arrive et I'm Alive et on adore sur la radio couleur. Belle journée, bon petit déj entre deux tartines, tiens, un petit Céline Dion. Dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Francky jusque 9h. Salut la famille, salut les zinzins. Michael Ferreira sera notre invité. Là, on sera au téléphone parce qu'il habite très très loin. Le Portugal à l'honneur ce matin avec un nouvel album qui arrive dans les bacs. Et je peux vous dire, il est terrible. Je l'ai écouté hier à la baraque. Hein. Superbe album. Je vis un rêve. C'est son nouvel album. Eh bien, il va nous en parler tout à l'heure en direct à 8h30 en direct sur Radio Arc-en-Ciel. C'est l'exclusivité de la radio. Son nouveau single s'appelle La Remontada. Eh bien, il sera là pour nous en parler au téléphone et ça me fait plaisir de l'accueillir tout à l'heure à 8h30. Ne ratez pas l'interview exclusif de Michael Ferreira qui était venu à la radio, vous savez, au bal, il a fait plein de choses avec nous et franchement on l'adore, on le kiffe sur la radio Arc-en-Ciel. Du son qui arrive avec Grégoire Sécran, bah c'est tout de suite sur la radio couleur. Un bonjour à l'antenne, appelle le 02 38 43 48 00. 7h, 9h, le matin c'est bien, et c'est Francky. Et c'est bien, Tintin. Voici Greg, mon pote, Grégoire. C'est quand? C'est quand que tu viens? C'est quand que tu passes? C'est quand que tu me prends par la main? Et que tu me dis, allez viens, on se casse. C'est quand la douceur de tes bras chauds? C'est quand la chaleur? La chaleur de tes lèvres sur ma peau? C'est quand que t'arrives? Salut Sainty, salut Chargy, on les écoute là-bas, bah ouais. Je pensais que c'était la campagne, mais non, en fait, on est pas mal. Salut Stéphanie du côté de Saint-Jean-de-Brest, salut Francky, merci pour ta bonne humeur. Bah ouais, on est là pour vous réveiller le smile sous la douche, peut-être, entre deux chocolats, deux cafés, bah du son qui arrive sur la radio couleur. Et ça, on adore, histoire de bien vous réveiller le matin avec Kungs, les psychs, c'est sur la radio Arc-en-Ciel. Belle journée, bon réveil sous la flotte, mais on est là, 7 degrés, hein, pas plus ce matin. Music, feel it. j'adore ça sous la douche, franchement ça réveille le matin. Là c'est ça, ça va avec le gel douche, hein, c'est tonique, hein. Kungs Lipstick, on est heureux de vous retrouver ce matin avec du son pour vous réveiller, vous donner le smile et la bonne humeur. Salut Jojo qui est connecté du côté de Saint-Jean-de-la-Ruelle. Salut mon Francky, belle journée, merci de te retrouver à l'antenne après une semaine d'absence. Ouais, vacances mon ami, bah ouais, et puis j'en ai d'autres qui arrivent, alors bouge pas. Ton rayon de soleil dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Et en plus vous faites du sport le matin, et ouais, ça fait du bien le sport. C'est bon pour la santé. Mercredi 8 décembre, ça se passe à Fleury-les-Aubrais. Le parcours de santé de retour à Fleury, justement. À partir de 13h30 jusqu'à 18h, maison pour tous, Jean Gabin, retrouvez de nombreux professionnels de la santé, ostéopathes, dentistes, opticiens, audioprothésistes, infirmiers, pédicure, diététicien et puis le coach sportif Jenny qui sera là pour vous faire bouger, voilà, ne pas rater. C'est à Fleury-les-Aubrais, le parcours de la santé, et puis ça va vous faire du bien. Et ouais, le sport c'est bon, c'est bon, c'est bon pour la forme. On aura Michael Ferreira tout à l'heure à 8h30 depuis Paris. Et ouais, on va là ce matin. Je viens rêve, c'est son nouvel album. Le nouveau single s'appelle La Remontada et je suis sûr que vous allez adorer. Justement, on va s'écouter ce premier single sur la radio couleur avec Michael Ferreira, La Remontada. Bah tiens, c'est justement, c'est demandé de la part de Michael pour José. Voici le tout nouveau single de Michael Ferreira, La Remontada. Écoutez, on l'a rentré Stéphane tout à l'heure. Voici Michael Ferreira en exclu. Michael Ferreira, La Remontada, première extrait, il sera au téléphone avec nous tout à l'heure aux alentours de 8h30 à ne pas rater depuis Paris. L'artiste qui arrive avec Mafiosa, Baby, Miguel qui est là, salut Francky, belle journée à toi, Christophe aussi, il y a du monde, Olivier qui est connecté aussi, Junior qui est là, il y a du monde ce matin, Fred qui est là aussi, salut Fredo, Gérald qui est là, Antoine, ça me fait plaisir de vous retrouver ce matin sur la radio couleur, 7h22, on est en direct et ça fait zizir, eh ouais. 7h, 9h. Francky le matin sur Arc-en-Ciel. Et c'est bien de manger du pain le matin. L'artiste du Brésil, Gol, avec Mafiosa et Carolina. Y'a la qui sort en équipe, avenue Montaigne, François 1er. Je suis avec ma go en fourraillé au cas où faudrait simplifier. Quand tu pilotes un prototype, faut assumer. Elle est tellement douce, obligée de faire dans la durée. Avec elle, c'est le marathon. Avec elle, pas de baratin. Bang, bang, bang. Si tu traînes dans un baratin. Mamma fiosa, mamma fiosa. Assim você me mata. Je pense que la suite sera censurée. Eu tô bem. À tous mes potes qui rentraient, on est 50 motherfuckers. Ouais, ce soir on est 50 et on est 50 motherfuckers. Ouais, ce soir on est 50. Eu tô bem. Mes armes, c'est à deux qu'on fait le ménage. Samba, samba, samba. É uma rocânia brasileira. Se mexer com meu marido, vai levar peixeira. Ele tá aqui comigo, aqui no RDV. Não vem brincar. Aí, tudo bem dans la piscine ce matin du Brésil. Et c'est vrai que on serait bien avec la chaleur du Brésil en ce moment. Et Mafiosa, Carolina sur la radio couleur. Belle journée, bon réveil. Salut Edouard et l'Afrique Consul qui est là aussi, la culture de l'Afrique qui nous écoute. Bah, ça nous fait plaisir sur internet. Voilà, beaucoup de monde aujourd'hui. Zizir, la famille, en forme ce matin, 7h25. La météo. La météo, aujourd'hui, bah, le temps est couvert, nuageux, et puis j'ai la mauvaise nouvelle pour vous dire que ça va durer et perdurer toute la semaine, des nuages, de la pluie, du soleil, même pas un brin de soleil, rien du tout. À quelques jours de Noël, la pluie et les nuages sont bien là toute la semaine, les températures 2 degrés, ce matin on va pas dépasser les 7 petits degrés. La grosse nouveauté, Ed Sheeran qui revient avec Elton John et Merry Christmas sur la radio couleur, c'est la nouveauté, et c'est en exclusivité sur Radio Arc-en-Ciel. Gather round the tree, fill a glass and maybe come and sing with me. So kiss me. Pour out the wine, let's toast and pray for December snow. I know there's been pain il a pas changé le Elton John, hein. Toujours pareil avec Ed Sheeran, ça c'est la grosse nouveauté pour Noël. Merry Christmas sur la radio en français, la radio couleur. Merry Christmas, bah ouais, dans quelques jours ça sera Noël. Et puis du son pour bien vous sortir de la douche. Coucou à Olive, salut Francky, belle journée. Arnaud qui est là aussi, salut Francky, passe une belle journée. Sébastien, Francky, merci de Merry Christmas. Bah ouais, bientôt Noël, vous avez fait les cadeaux, vous avez choisi votre cadeau pour votre chérie, IE. Eh bien, appelez-moi 02 38 43 48 00 si vous avez des belles idées de cadeaux. Et bien c'est le moment d'en profiter avec tout Orléans, Saint-Jean-de-Bray, Fleury-les-Aubrais, Sita Punk et Get Lucky sur la radio couleur. Has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Ce matin, 7h32, côté ciel, c'est pluvieux, nuageux, on vous l'a dit. Et Lady Gaga, on adore son film. On l'adore, c'est ce que me dit Emily. J'ai écouté, j'ai regardé le film hier, j'ai kiffé. Voici Lady Gaga, I'll Never Love Again. C'est sur Radio Arc-en-Ciel. Trying to save the part of you. Vous adorez aussi Lady Gaga, I Never Love Again, pour vous sortir de lit, pour les feignasses là qui sont encore à la bourre au boulot. C'est ce que nous dit Marc du côté de d'Olivier. Merci Francky pour Lady Gaga, ça fait plaisir. Bah ouais, et du son carré, forcément vous avez dansé là-dessus. Bah oui, ce week-end en boîte. Voici les Jeune on Fire avec Boogie Boogie Bandolan. Bon petit déj à tous, bon réveil, courage à ceux qui sont encore en vacances. Bah il y en a qui sont en vacances encore, mais Francky est de retour. Lundi au vendredi, 7h-9h, c'est la radio plus bon réveil. 7h, 9h. Il vous accompagne au boulot. C'est Francky. Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó. Bará, bará, bará. Então fazer assim, ó. Bará, bará, bará. Bere, bere, bere. Bará, bará, bará. Bere, bere, bere, bere. Bará, bará, bará. Bere, bere, bere. É Alex Ferrari fazendo bará, bere. Então fazer assim, ó. Bará, bará, bará. Bere, bere, bere. Cantando comigo mais ou menos assim. Bará, bará, bará. Bará, bará, bará. Só vocês, vai. Bará, bará, bará. Bará, bará, bará. Assim, ó. Bará, bará, bará. Bere, bere, bere. Sur la radio Couleur, 7h46, heureux d'être avec vous dans la radio. Et puis ça a été écrit par des DJ, pour des DJ. Voici le nouveau collectif métissé, c'est Hey Ho DJ, en exclusivité sur la console. Tous les DJ qui nous écoutent ce matin, la petite dédicace comme ça au réveil, 7h46 minutes, l'horoscope à 8h. Y esa mami lo bailó. Mira cómo baila, mira cómo goza. Que ya la pista encendió. DJ, por favor, dámelo, dámelo. Qué calor, qué calor. Eso quiero, darle ritmo. Oh, oh. Como el mundo. arriba, todo el mundo, la mano arriba. Qué calor. Todo el mundo, la mano arriba. Qué calor. Todo el mundo, la mano arriba. DJ, por favor, dámelo, dámelo, qué calor, esto quiero, la de ritmo, oh, oh. Alors si je traduis, il dit hey, oh, DJ Kilo Bailar, bah que je veux danser, c'est ça hein. Camila Carvello qui arrive et s'en sur la radio couleur, 7h48, salut à Edouard qui est là, salut à Steph aussi, connecté du côté de la radio, Renette là, c'est Francky dans la radio jusqu'à 9h, on est là pour vous donner de la smile et de la bonne humeur, avec Camila Carvello qu'on adore sur la radio couleur, dans le hey, yeah baby, belle journée, bon réveil. Portugal le matin, ça fait plaisir de vous retrouver en direct à la radio, Francky, en live avec des messages qui arrivent. Stéphania du côté de Saint-Jean-de-Bresse, salut Francky, belle journée à toi, merci pour du son comme ça qui nous donne la bonne humeur et on adore cette fille, elle s'appelle Lazara, tu t'en iras sur un arc-en-ciel. Même sans goûter, même sans douter, tu diras que tu m'aimes, mais tu ne penses pas, même sans goûter, même sans douter. Je dirais que tu m'aimes pas et tu te lasseras. Mais moi je m'en voulais, moi je m'en voulais, moi je m'en voulais. Mais qu'est-ce que tu crois que j'aime être contre toi? Moi je m'en doutais, moi je m'en doutais, moi je m'en doutais. Tu t'en iras comme tous les autres en avant toi. Tu t'en iras. Mais tu grandiras comme tous les autres en avant toi. la faute est de la tienne ou celle des autres. Moi j'ai douté, j'ai tant douté, j'ai trop douté. J'ai perdu la foi en l'amour d'autrefois. Moi j'ai broyé du noir à force de redouter. Tu t'en iras comme tous les autres, maman, toi. La Mireille Mathieu de 2022. Tu t'en iras, c'est le nouveau Lazara et on adore. Amir qui arrive, vous l'adorez aussi sur l'arc-en-ciel, 7h55 minutes en direct. Ça me fait plaisir de vous retrouver ce matin. L'horoscope qui arrive dans 5 minutes. Eh oui. Et puis notre invité, Michael Ferreira. Ça sera tout à l'heure à 8h30. Son nouvel album s'appelle Je vis un rêve. La version d'Amir, la version Zouk. J'adore cette version zouk par DJ Quizy. Elle arrive de Paris, le mec. Et justement, parlant de Paris, il sera en téléphone avec nous tout à l'heure. C'est Michael Ferreira, un nouvel album, Je vis un rêve, la Raymond Tanda, c'est son nouveau single. On va parler de cet album. Il est venu plusieurs fois à la radio et justement, il sera en direct avec nous au téléphone tout à l'heure à 8h30. Ne ratez pas ce bel interview. 8h, l'horoscope qui arrive et puis le king du reggaeton. Eh ouais, Nicky Yam sur la radio couleur. Belle journée et bon réveil. Que no aguanto más.

Le matin dans la bagnole, ah ouais, Ozuna, la Franca. Salut à Joël qui me dit ça y est, les vacances c'est fini. Bah ouais, mon Jojo, toi t'es bien dans la voiture installée côté droit, côté passager, hein. Salut Olivier aussi à Saint-Y, on les salue. Ça va bosser ce matin? Bah ouais, y en a qui bossent quand même, y a pas que des feignasses dans la vie. Heureux d'être là, c'est Francky, 8h04. Ton rayon de soleil dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. 8h30, il sera notre invité au téléphone depuis la région parisienne. Ce sera Michael Ferreira, nouvel album qui sort dans les bacs du Portugal. Je vis un rêve, le nouveau single s'appelle La Remontada. On en parlera avec lui en direct tout à l'heure sur la radio couleur. Ce sera 8h30. Salut José, c'est dans le camion, pépit. Les routiers sont sympas. Salut mon José, direction le boulot aussi. Bah ouais, il y en a qui bossent ce matin. 8h04 avec Elvis Crespo qui arrive. Lou, Portugal ou Espagne ou Brésil. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame, I love what you're doing to me, but keep it suavemente. Bésame, bésame, bésame otra vez, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Besa, besa, besame un poquito. Besa, besa, besa, besa, besame otro ratito. Siento en el aire, por eso cuando te veo, comienzo a besarte. Y si te despegas, yo me despierto de ese rico sueño que me dan tus besos. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame, I love what you do to me, but keep it suave. Besame otra vez, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Besa, besa, besame un poquito. Besa, besa, besa, besa, besame otro ratito. Give me something all that I need, now I want you to come home with me. Baby, when I look into your sexy eyes, makes me wanna kiss you till the sunrise. Kiss me one time, kiss me two times, kiss me again. It's going down, don't change. Don't hurry now, let me feel your soul. Kiss me a little bit, suavemente, so I need it. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame, I love what you do to me. It's suavemente, suave. Besame otra vez, suave. Quiero sentir tus labios, suave. Besando otra vez, suave. Besa, besa, suave. Besa un poquito, suave. Besa, besa, besa, besa, suave. Besame otro ratito, suave. I will make you hump and scream, I will kiss you soft and sweet. Ce titre là que vous avez dansé dans les soirées, inoubliable, il a 20 ans déjà. Elvis Crespo avec Suavemente, heureux d'être avec vous, c'est Francky dans la radio, on est en direct. Ton rayon de soleil, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Hola, bon dia. Et c'est comme ça qu'on fait au Brésil, hein, quand il y a un but, vous savez, les matchs de foot, la goal. Et puis, en parlant de goal, le matin, bah oui, ça arrive. Le Père Noël, vous pouvez lui écrire. Ouais, ouais, ça c'est vrai, c'est réel même. Hein. Vous prenez n'importe quelle lettre, vous mettez votre liste, vous écrivez Père Noël, la lettre du Père Noël sur la lettre. Vous la postez, bien sûr, avec le tarif en vigueur. Et bah il y a un centre à Bordeaux qui va réceptionner ça avec tous les petits lutins. Et ils vous répondront, bon, peut-être pas demain, mais ils vous répondront. Ça, c'est promis. Et ça, c'est réel. Le son qui arrive, justement, par la double asile. Oh, baby, oh, que vino, que régal, le matin. 8h08, en direct à la radio. Bon petit-déj. Porque você não me atendeu? Já tava mó preocupadão. O seu pivete quase morre do coração. Amor, já fiz o corre pra te ver. Juntei a grana da passagem. Contou das horas pra gente matar a saudade. Ô, bebê, gosto mais de você do que de mim. Princesa, mudou minha cabeça, só me fez crescer. Bota fé no que eu vou dizer. Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim. Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim. Seu pivete quase morre do coração. Amor, já fiz o corre pra te ver. Juntei a grana da passagem, contando as horas pra gente matar a saudade. Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim. Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim. Você do que de mim, do que de mim. Ô, bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim. Antes de você eu era do mundão, gratidão, minha princesa. Mudou minha cabeça, só me fez crescer. Bota fé no que eu vou dizer. Ô, bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim. Ô, bebê, gosto mais de você do Baby, on adore sur la radio couleur. L'horoscope, c'est maintenant. Et l'horoscope, on démarre tout de suite avec les béliers. Les béliers, vous ressentez de plus en plus fréquemment des besoins de changer d'air en ce moment. Les taureaux, faites preuve de plus de tolérance envers les membres de votre famille. Les horoscopes pour les gémeaux, en même temps, il y a le son qui démarre derrière. Ben voilà, comme ça, les gémeaux, cassez la routine aujourd'hui, ce n'est pas bon pour vous. Essayez de changer un petit peu vos habitudes. Les cancers, ne vous montrez pas trop protecteurs avec votre partenaire. Les lions, la famille sera source de belles satisfactions aujourd'hui. Les vierges, vous devez procéder étape par étape. Commencez par ralentir le rythme de travail. Eh ouais. Les balances, vous redémarrez au quart de tour ce lundi matin. Allez foncer, vous avez le vent en poupe aujourd'hui. L'horoscope pour les scorpions, ne soyez pas timide. Votre naturel revient au galop. Les Sagittaires,

tu espacio desde que no estás. Daría todo lo que hoy me queda por tenerte. Porque bueno, es que me niego a perderte. Jamás nunca vete. Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó. Le duo est plutôt réussi. Rek avec Ozuna Meniego sur la radio couleur. Belle journée et bon réveil. 96.2 FM, votre fréquence du matin, au boulot, au bahut, ouvrez. Et là, forcément, ça va vous rappeler les souvenirs club. Ah ouais, sous la boule à facettes ce matin, avant d'accueillir au téléphone Michael Ferra tout à l'heure. Ça sera 8h30. Nouvel album s'appelle Je vis un rêve, la Ramanta dans les coups de fin d'exclusivité. C'est les Fat Larry's Band. Et les Juno. Belle journée, bon petit déj. Yeah. When you're feeling down and low, and you need a place to go, oh, just pick up your shoes and go to the hottest place you know. Ça nous rappelle des souvenirs club, hein, peut-être ce week-end pour vous aussi, qui êtes sortis un peu dans les boîtes, hein, puis il faut les soutenir, les discothèques, hein, ils souffrent en ce moment avec les nouvelles mesures qui vont peut-être être prises tout à l'heure lundi par Castex. On en parlera, hein, notre invité qui arrive tout de suite en direct, bougez pas. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. L'invité du jour, et puis j'ai l'honneur de recevoir au téléphone Michael Ferreira. Bonjour, bandia. Bonjour, bandia, Franca. Alors, je suis pas portugais, désolé. ça se dit Michael ou Michael, comment on dit, mon ami? Michael. Michael. Michael. Eh ben voilà, Michael Ferreira a accepté notre invitation au téléphone ce matin. Ça va, il fait beau par chez toi? Ça va. Ça s'éclaircit un petit peu. Ça va. Ah ben, nous, c'est pourri Orléans, hein, de la pluie malheureusement. Merci d'avoir accepté notre invitation, Michael. Et puis, on va parler avant tout de ce nouvel album qui arrive. Le nouvel album s'appelle Je vis un rêve. C'est ce que tu vis en ce moment, c'est ce que tu as vécu? Oui, c'est ce que j'ai vécu. Ça a commencé en 2018. En mai de mars 2018. Et puis, on a sorti donc ce premier album qui est Je viens rêve. Et là, on continue avec le deuxième qui va bientôt sortir, qui est prévu pour début d'année prochaine. Voilà. Combien de temps que tu es dans la musique, la chanson? Depuis tout petit, sous la douche, déjà? Depuis tout petit, oui, ça a commencé, avec la première rencontre. J'avais peut-être 8 ans. C'était un bal portugais, une fête portugaise, un bal de Pâques. Pas loin de chez moi, dans le Nord, parce que j'ai rencontré Tony Carrera. Ah, justement, il sera en Orléans au mois de janvier, lui. Oui, je le sais. Et donc j'ai été bercé dedans tout petit avec ma grand-mère, portugaise, qui a écouté beaucoup Tony Carrera. Et du coup, ça m'a donné l'envie de devenir comme lui, un grand artiste, et de chanter, Un bel artiste et un grand artiste comme toi aussi, aujourd'hui. Alors hier, j'ai écouté l'album, et hier, j'ai eu le temps, parce que tu me l'avais envoyé. Je l'ai mis à fond dans la baraque, et puis je l'ai écouté. ça parle beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments, cet album. Oui, on a voulu parler beaucoup d'avoir beaucoup d'émotions dans cet premier album. En particulier un titre qui est dédié à ma grand-mère, qui j'ai voulu lui faire un petit hommage. Ma grand-mère qui a, comme beaucoup de Portugais, je pense, qui a fui le Portugal du temps de la dictature et qui est venue ici en France, rejoindre mon grand-père. Donc j'ai voulu lui rendre un hommage sur cet album, avec plein d'amour, plein d'émotions, et voilà. Donc c'est un album dédié à ta grand-mère. Voilà, c'est pas que, après il y a aussi... Oui, bien sûr. Tout ça. Alors, je disais beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments, beaucoup de tendresse dans cet album. Comment te viennent les écritures? Tu écris tout, Je travaille avec deux amis à moi. Donc il y a mon auteur qui s'appelle Thierry Brenner, qui a écrit pour Alex de Luxi, Christophe de Lagrange, plein d'auteurs, de chanteurs. Et ensuite, en partie compo, je travaille avec mon ami artiste aussi, Emmanuel Campos. Emmanuel Campos. Ouais. Comment te viennent les idées d'écriture, ou comment vous viennent ce trio? On écrit comment? On se réunit, on se dit tiens, ça c'est pas mal, ça j'aime bien, ça va toucher le public. Ça se fait on est à trois au téléphone, on discute, on parle, on travaille sur un projet, truc. Et du coup, Manu fait un compo musique, après il envoie à mon auteur, et après tout ça m'est renvoyé. Ouais. Et après c'est moi qui, si j'aime bien ou pas, et après on en discute à trois, et Ton rêve d'enfant, ça serait quoi? D'être sur scène avec un grand de la musique, chanson portugaise, française, ça serait qui aujourd'hui? Si demain on dit tiens, tu fais la première partie du Zénith de telle ville avec, ça serait qui? Ça serait Tony Carrera. Au mois de janvier, il va en Orléans, ça serait bien. Ouais. Pourquoi pas? Non, jamais eu de contact vraiment direct, déjà eu, je pense, mais de proposition ou non ça... Pour faire une première partie d'un artiste, non, jamais. Non, jamais. Ça serait... Mais il y a eu des discussions, il y a des surprises qui vont arriver pour l'année prochaine, mais je peux pas en dire plus. Voilà. Justement, dans cet album, je vis un rêve, l'extrait, je vis un rêve, justement. Il est dédié à qui, celui-là? À toi, ta vie, ta carrière? À moi, voilà. C'est venu comme ça, en fait, d'un seul coup. J'ai commencé avec un duo avec Emmanuel Campos, et puis ça a tout de suite été chamboulé dans ma vie. On a commencé à écrire, à faire mon premier single, et puis après ça s'est enchaîné, et je poursuis mon rêve, Un beau rêve qui se poursuit. On va parler un petit peu, malheureusement, le Covid, l'après-Covid, et là des nouvelles restrictions qui vont être dites tout à l'heure par Castex. J'espère que tout ce qui est événementiel, tout ça, ça sera pas encore bloqué. Ça te fait peur, toi, aujourd'hui encore? Ça fait très très peur, et puis sachant que ça fait déjà depuis avant le dernier concert que j'ai fait, c'était avant le Covid en décembre 2019, et depuis ça a tout été décalé, tout était retardé, mon deuxième album devait sortir l'année dernière, mais avec le Covid ça a été repoussé. Même niveau concert, tout ça, ça a été annulé. C'est vrai que ça fait peur beaucoup à beaucoup d'artistes, comme d'autres artistes, je pense. J'espère que ça ne jouera pas dessus, On croise les doigts, parce qu'il y a beaucoup de professions qui vont être touchées encore. On va parler des bars, des restos, des discothèques, des salles des fêtes, des concerts, etc. On espère qu'il ne va pas mettre trop de restrictions, Castex, tout à l'heure. On croise les doigts. Il y a un concert qui est prévu prochainement. Alors pour le moment non, pas de concert de prévu, forcément dû à cause du Covid, Ouais, il y avait des concerts de prévu mais tout a été annulé, Donc maintenant, j'espère que tout va rentrer dans l'ordre et qu'il y aura des prochaines dates. Eh ben, on croise les doigts pour tout le monde. Hein. La remontada, on va se l'écouter dans 2-3 minutes. Ça veut dire quoi, la remontada? C'est comme ça que ça s'appelle? Alors, la remontada, c'est un titre qui fera partie de mon prochain album. Voilà. Ouais. Et on a voulu sortir ce titre donc l'année dernière, en juin. Mmh. Et on a dit, allez, on va donner un petit peu de baume au cœur, parce que voilà, on était confinés pendant au moins 3 mois. Enfin, voilà, ça fait un petit peu triste avec tout ce qu'on entend, les nouvelles, tout ça. Donc, on a voulu donner un peu de punch ouais, aux gens, quoi, après le déconfinement, et c'est pour ça que ça s'appelle la remontada, quoi, une remontée. Puissance, c'est donner un petit peu de pêche. Et un peu de pêche, justement, ce matin, on l'a avec toi, à 8h33 minutes en direct sur la radio. Le nouvel album, ben, on peut le télécharger gratuitement, plutôt, on l'achète, il faut l'acheter, il faut faire vivre les auteurs, compositeurs et puis musiciens que tu es. On peut retrouver ce lien sur ta page Facebook, Michael. C'est ça, oui. On peut retrouver ce lien sur la page Facebook, ou après, il est disponible sur toutes les plateformes digitales. Voilà. Et télécharger, bien sûr, acheter, parce qu'il faut faire vivre tous les musiciens, les chanteurs, voilà, les auteurs, compositeurs. C'est vrai qu'en ce moment, c'est un petit peu plus compliqué, mais bon, on va y arriver. J'espère que le Covid va se barrer vite fait. Hein, ça va arriver. Bon, on espère te voir rapidement sur Orléans, alors. Ben merci, merci. Ben oui, ça fait c'était en 2019 quand je suis venu à votre fête de la radio. C'était à la fête que t'es venu, ouais, en plein air, ouais, voilà. c'était super, j'étais là. Je te le souhaite. Et ben, on te le souhaite alors. on va s'écouter la remontada si tu veux bien. Oui, ça marche. Et puis je te reprends en antenne et puis on va discuter un petit peu et puis une petite dédicace à tous les... En portugais, tu as une dédicace en portugais pour tous nos amis portugais d'Orléans. Si, olá, bom dia, eu estou aqui com vocês em direto na Rádio Arc-en-Ciel e espero que todos vocês estejam muito bom e desejo um bom dia, boa festa a todos os portugueses que estão a ouvir esta rádio. Et voilà, j'ai traduit, tout va bien, bonne fête à tous les Portugais et bonne journée à tous les Portugais. C'est un peu ça le... Voilà, c'est ça. Merci de nous avoir accordé ces quelques minutes en direct sur Radio Arc-en-Ciel. Eh ben, merci à toi, Franck, merci beaucoup. Ne quitte pas, la remontada, c'est sur la Radio Couleur. Toi de soi. c'est en direct le nouveau Michael Ferreira, la remontada. Son nouvel album s'appelle Je vis un rêve. Ton rayon de soleil, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Et justement, ce nouvel album, vous le téléchargez, bah oui, à ramener de l'argent un petit peu aux auteurs, compositeurs et chanteurs qu'il est. Vous allez sur son Facebook, hein, Michael Ferrin, hein, vous tapez, il y a un lien, vous allez voir, pour pouvoir récupérer l'album et bien sûr donner un petit peu d'argent à tous ces auteurs, compositeurs et chanteurs. En tout cas, on était vraiment heureux d'avoir Michael Ferrin en interview ce matin sur Radio Arc-en-Ciel, 8h38. Heureux d'être là, salut Stéphane qui est connecté. Salut Francky, merci de ta bonne humeur, merci pour ce bel interview. Bah ouais, Michael Ferreira. Vous tapez sur Facebook sa page, Michael Ferreira, et un petit j'aime, hein, pour les pages aussi, ça fait plaisir. Le nouveau Kylvé, c'est il y a 4 ans déjà, 8h38 avec sa petite sœur Lorelai, la vie du bon côté. Voici les bons souvenirs pour Kylvé, déjà 5 ans pour lui ça, ce titre. Bah ouais, ça passe, hein. La vie du bon côté, ça c'est super important le matin de partir au boulot avec le smile, le sourire. C'est Kevin Kylvé sur Radio Arc-en-Ciel. En direct sur la radio couleur 96.2 FM. Merci d'être aussi nombreux le matin. Merci à Michael Ferreira d'avoir accordé ces quelques minutes d'interview. Demain, l'interview, on sera avec notre ami, ah, vous l'adorez aussi, de Portugal, Christophe Maneiro. Je sais pas si ça dit comme ça. Jean-Pierre, il a soupe de ma gueule encore. Mais bon, il sera notre invité au téléphone. Un nouveau chanteur de la scène portugaise. Ça fait des années qu'il est dans le métier. Et bien, il sera avec nous au téléphone. Vous allez voir, il déchire. Ah, si, si, hein. Get a girl, get a boy. Swing with me through the light. Home if it's just one night. Home if it's just one night. Oh. Sans

Belle reprise, ça. Il n'y a pas que la voix que j'adore, mais entre autres, là... Ah, il y va. Salut, Jean. Salut, mon Franck. Attends, Jean. Rayon de soleil, un jour, hein. Dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Salut, Jean-Pierre. Salut, Francky, j'étais un peu trop vite. Non, c'est pas grave. Bah, j'avais le jingle derrière, c'est pour ça... Non, à force de raconter les conneries, je vais me faire virer un jour. Ça va bien? Ça va. Avec ce temps pluvieux, alors sortez couvert, comme dirait l'autre. Eh ouais, c'est ça, bien. Parce qu'aujourd'hui, bah, il va pleuvoir toute la journée, hein, quasiment. Ouais, et puis je crois que c'est jusqu'au week-end, pas jusqu'à ce week-end. Donc, j'ai regardé la météo France, là. Ça fait flipper quand même. Hein. Alors, faut dire une chose, hein, déjà, avec le Covid, on est mal. La météo, on est mal. Putain, il est c'est le bordel, quoi. C'est le bordel dans la planète, hein. C'est le bordel. La planète va mal. Bon, ouais. On fait avec parce que Castex, il va parler. Je crois que c'est ce soir qu'il parle de Castex. Il me semble. Je sais pas à quelle heure. À quelle heure il parle Castex? Appelez-moi, là, je veux savoir. Je crois que c'est 19h, hein. Ça va être 19h. Ah ouais, bon, c'est bon, je serai à la maison, hein. Tranquille. Ouais, moi aussi, je vais essayer de rentrer pour moi. Je suis là pour écouter parce que, bah, on est un peu tous concernés, hein. Les fêtes, les balles, les soirées, les bars, les restos, les discothèques. Tout le monde est concerté. Toi, t'es animateur aussi. Tu sais comment que ça se passe. T'as peur, toi, aujourd'hui ou pas? Sincèrement, ouais. Puis je pense que les gens ont envie de s'amuser à un moment donné. Alors effectivement, le Covid, faut prendre ça au sérieux. Ah ouais, c'est vrai. Faut y aller gestes barrières, etc. Mettre des barrières, hein, de sécurité. Mais... J'en ai acheté des barrières, moi, justement, de sécurité. Mais si tu veux, il y a des choses qui me gonflent. Tu vois, par exemple, quand tu vas aller dans certains endroits, comme dans les centres commerciaux à Orléans, où d'un côté on va te contrôler, on va te prendre la tête, et finalement tu passes par les parkings quand tu gardes ta voiture, il y a personne. Alors j'ai des fois du mal à comprendre les choses, voilà. Mais ou alors après pas trop en faire non plus, quoi. Je veux dire, à un moment donné, moi je suis surpris par plein de choses, c'est-à-dire je me pose la question. Pendant 2-3 mois on était un peu peinard, entre guillemets, c'est ça, et d'un seul coup putain, d'un coup, je sais pas, il y a un truc qui est tombé sur la planète. Ouais, c'est ça. Et tac, on se dit, bah allez, voilà, c'est peut-être par rapport à l'augmentation aussi, mais bon, est-ce que l'augmentation du Covid, on met pas un peu tout dedans, les accidents, malheureusement les cancers, hein, tout ça, toutes ces maladies qui sont pénibles aujourd'hui, la grippe qui tue aussi encore, hein, faut le rappeler. Est-ce qu'on mélange pas tout et on augmente un peu le, je sais pas, hein, c'est une idée comme ça. Hein, je sais pas, mais c'est vrai que, ouais, comme tu dis, depuis 2-3 mois, il y avait plus rien. Un peu peinard, ouais, c'est ça. C'est vrai, on parlait pas trop d'augmentation. Et puis là, tu te poses des questions, tu dis d'un seul coup, fatalité, les fêtes arrivent. Voilà, quoi. Mais bon, après, c'est vrai que c'est un impact dès que tu as un commerce, tu as un établissement, restaurant ou autre. Ça fout le moral à zéro. Ouais. Tu retravailles plus, tu sais plus quoi faire. Le problème, c'est qu'on a plus d'idées après, on sait plus quoi faire. Tu sais plus sur quel pied danser. Ouais, voilà. Le moral en prend un coup parce que t'essayes d'anticiper par rapport à il y a un an. C'est galère, ça. Et même avec l'anticipation, bah, t'arrives à te faire avoir. Donc, en fin de compte, c'est ça. Mais sinon, à part ça, ça va. Faut garder le moral. Le moral est là, en tout cas, avec ton émission qui arrive dans 8 minutes en direct sur la radio Arc-en-Ciel. C'est ça. Il y a des trucs à vendre, des choses. Il y a juste des offres de. Elle est plus là. Elle est partie, la Brel. Oui, non, il y a des offres d'emploi. Si tu cherches du boulot pendant le Covid, c'est le moment. Des maçons, non, c'est ça? On cherche quoi? Bah, c'est que tu te dis que les entreprises cherchent, ils trouvent pas. Donc c'est. Ah merde. C'est ça aussi. Mais bon, après, je sais pas. On m'a dit qu'il fallait pas chercher à comprendre. Je cherche plus à comprendre. J'écoute. Ouais. Et puis. À l'écoute de l'État français. C'est ce qui va se passer tout à l'heure. Je crois à 19h. Castex, il va parler. Avec, ils se réunissent, le grand conseil, avec Manu, hein, ils se réunissent dans le bureau. Je voulais les appeler, mais ils sont occupés, la ligne. Après, j'ai appelé Manu tout à l'heure. J'ai appelé Manu tout à l'heure. J'ai un pote, Manu, c'est un pote, hein, sérieux. Il faudrait pas qu'on rentre dans des trucs de jauge ou machin, parce que voilà, c'est une galère. À un moment donné, t'as envie d'aller au resto, tu veux profiter un peu de la vie aussi, et puis voilà, quoi. Alors déjà que les gens, ils viennent moins dans les restos, les bars, ou machin, etc., ils sortent moins. Ils ont pris des mauvaises habitudes, ou ils ont peur, peut-être aussi. Donc ça va encore. Bah, c'est-à-dire qu'il faut pas écouter, il faut pas regarder BFM, CNews, voilà. Alors, tu vois, il faut pas regarder ça toute la journée. Si vous regardez ça toute la journée, vous restez chez vous, vous bougez plus, vous mettez un mur. Justement, vous cherchez des maçons. Si vous mettez un mur chez vous, on peut vous le monter en une demi-heure. Ah, c'est ça. Tu sais monter des murs, toi, en parpaing, là? Non, sincèrement, non. J'aimerais bien apprendre. Les Portugais, pourtant, ils savent, non? Ouais. La truelle. Non, je sais faire plein d'autres choses, mais non, ça. D'accord. Je regarderai des tutos. Ouais, des tutos sur... Ah ouais, tiens, moi je montrais bien un mur avec un tuto. Ça va être rigolo de monter un mur avec un tuto, non? T'as déjà fait, non, avec un tuto? Non. Bon, l'émission qui se prépare, disque à la demande aussi, ça c'est le rituel, hein, depuis 10 ans. 16. 16, ah pardon, je t'ai raccourci. Bah, je voulais te remettre 6 ans. Je voulais te redonner une peine de 6 ans à la radio, mais tant pis pour toi. Ouais, non, 16, ouais, depuis 16 ans. Ouais, donc 16 ans de radio. Ouais, j'aime bien cet esprit, si tu veux, de où les gens t'appellent, choisissent la musique qu'ils souhaitent entendre, et j'aime bien cet état d'esprit. Ça, c'est sympatoche, ouais, avec des dédicaces le matin. Il y en a qui bossent pas le lundi en plus. Non, mais il y en a qui appellent, ils sont sur leur lieu de travail, sur les chantiers, bien sûr, et t'envoient des vidéos, des par moments. Ah, c'est marrant, ça, c'est ça que c'est bon, alors. C'est comme dirait ton gars, là, Mike DeGaita. C'est ça. On le salue au passage. Ah, j'aimerais bien l'avoir au téléphone, tu peux m'arranger ça, un de ces quatre, un matin, là? Ça doit pouvoir s'arranger. Là, j'ai eu Michael Ferreira, super sympa. Michael Ferreira, tu connais? Un chanteur portugais. Ouais, super sympa. Il était venu au bal de la radio il y a. Non, c'est pas au bal. Non, c'est à la fête de la Saint-Jean. La fête de la Saint-Jean, pardon. Il était venu il y a 2 ans. Ouais, il s'en rappelle très très bien. Et puis demain, on a quelqu'un que tu connais, c'est Monsieur Malero. Christophe, tu connais celui-là? Ouais. Voilà. Je le prononce bien parce que demain matin, je vais passer pour un con. Hein. Malero. Voilà. Christophe Malialo. C'est attends, je vais m'entraîner toute la journée. Ah, il me pardonne parce que je suis pas portugais, ça va, je suis pardonné. Hein. Non, il est sympa. Moi, je lui dis bon dia déjà. Ça, c'est d'entrée de jeu. C'est le matin. C'est jusqu'à quelle heure on dit bon dia? Je crois que c'est jusqu'à midi, et après, à partir de midi, boltard. Boltard, et après, c'est quoi? Bonne nuit. Bonne nuit. Voilà, boltard, bonne nuit. Midi, après, à midi une, c'est boltard. Voilà. Boltard, et à midi, et à quelle heure, le bonne nuit? Je sais plus, je voudrais pas te dire de après bêtises, 18, mais, bah, après, ouais, 18h, je crois, je pense, ouais. S'il y a un portugais qui nous écoute. Bon, après, je m'adapte. Appelez-moi, et je veux savoir à partir de quelle heure, avant 9h, vous m'appelez, à quelle heure on dit bonne nuit, hein. 0238 43 48 00. Jean-Pierre, on y va? On y va. C'est parti pour vers matin. C'est parti. Et je vais reprendre la radio en bleu un jour, ça sera plus vert. Jean-Pierre qui arrive dans 3 minutes. Allez, bougez pas. J'ai envie de te voir réveiller, prier tes stress, te voir danser. Mon bébé sur le sable doré pour corps enlacé. J'ai envie de te voir réveiller, prier tes stress, te voir danser. Mon bébé sur le sable doré pour corps enlacé. C'est le soleil brûlant de l'océan Indien. On dirait que c'était un été indien. Tu as surgi comme une fée. Tu l'as enjoué comme un princesse. Mes yeux brillaient sur le corps enlacé. J'ai envie de te voir réveiller, prier tes stress, te voir danser. Mon bébé sur le sable doré, ton corps enlacé. J'ai envie de te voir réveiller, prier tes stress, te voir danser. Mon bébé sur le sable doré, ton corps enlacé. Au petit matin, tu t'es enfui sans faire de bruit. Simplement me laissant incompris. J'ai envie de te voir réveiller, prier tes stress, te voir danser. Mon bébé sur le sable doré, ton corps enlacé. C'est la version japonaise. Jimmy Cassel avec Kaifigo Makelele. Je vous retrouve demain avec Christophe Malero, notre invité en direct. Ratez pas l'interview à 8h30. Salut Jean-Pierre qui arrive tout de suite. Passez une belle journée sur la radio couleur. Ciao la famille, à demain. C'est le temps des idées, c'est le temps des envies.